Le moine suggère alors un secret à la famille d'Héro. La cacher pour quelque temps et faire croire qu'elle est morte jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Le moine à Héro, revenu de son évanouissement. « Venez, madame, venez mourir pour vivre. Ces noces ne sont peut-être que différées. Prenez patience et résignez-vous. » Le moine, Héro et Léonate sortent. Béatrice et Bénédicte restent seuls. « Avez-vous pleuré tout ce temps, madame Béatrice ?»« Oui, et je pleurerai longtemps encore. »« Ce n'est pas ce que je désire. »« Qu'importe, c'est spontanément que je pleure. » »« Je crois en vérité qu'on diffame votre cousine. » »« Ah, combien il mérite de regret de moi, l'homme qui lui obtiendrait réparation. » »« Y a-t-il un moyen de vous donner cette preuve d'amitié ?»« Le moyen ? Un moyen bien simple existe. » »« Mais non, l'ami. » Un homme peut-il faire cela? C'est l'office d'un homme, mais non le vôtre. Je n'aime rien au monde autant que vous, n'est-ce pas étrange? Aussi étrange que peut l'être ce que j'ignore. Il me serait aussi facile de vous dire que je n'aime rien autant que vous, mais ne me croyez pas. Et pourtant je ne mens pas. Je n'avoue rien et je ne nie rien. Je suis désolé pour ma cousine. Par mon épée, Béatrice, tu m'aimes. Ne jurez pas par votre épée. Je veux jurer par cette épée que vous m'aimez, et je veux la faire avaler à qui dira que je ne vous aime pas. Et vous ne voulez pas avaler votre parole? Non, quelque sauce qu'on puisse imaginer. Je déclare que je t'aime. Oh, alors, que Dieu me pardonne. Quelle offense, suave Béatrice. Vous m'avez interrompu au bon moment. J'allais déclarer que je vous aime. Et déclarez-le de tout votre cœur. Je vous aime avec tant de cœur qu'il ne m'en reste plus pour le déclarer. Allons, dis-moi de faire quelque chose pour toi. Tuez Claudio. Ah, pas pour le monde entier. Vous me tuez par ce refus. Adieu. Arrête, ma douce Béatrice. J'ai beau être ici, je suis déjà parti. Il n'y a pas d'amour en vous. Voyons, je vous en prie, laissez-moi partir. Béatrice, en vérité, je veux partir. Soyons amis d'abord. L'audace vous est plus facile pour être mon ami que pour vous battre avec mon ennemi. Est-ce que Claudio est un ennemi? N'a-t-il pas prouvé qu'il est le plus grand des scélérats, celui qui a calomnié, insulté, déshonoré ma cousine? Oh, si j'étais un homme. Quoi? Lui offrir la main jusqu'au moment où les mains vont se joindre et alors surgir avec une accusation publique? Avec un scandale éclatant, avec une rancune effrénée. Mon Dieu, si j'étais un homme, je lui mangerais le cœur sur la place du marché. Écoute-moi, Béatrice. Elle, parler avec un homme à sa fenêtre, la belle histoire. Mais voyons, Béatrice, cette chère Héro, elle est diffamée, elle est calomniée, elle est perdue. Princes et comtes, vraiment, voilà une accusation princière. Un magnifique comte, le beau comte confie, un galant fort sucré à coup sûr. Oui, pour l'amour de lui, si j'étais un homme, si du moins j'avais un ami qui voulut être un homme pour l'amour de moi. Mais la virilité s'est fondue en courtoisie, la valeur en compliments, et les hommes ne sont plus que des langues, et des langues dorées, comme vous voyez. Aujourd'hui, pour être aussi vaillant qu'Hercule, il suffit de dire un mensonge et de le jurer. À force de désir, je ne puis pas être homme. Je mourrai donc femme, à force de douleur. Arrête, ma bonne Béatrice. Par ce bras, je t'aime. Employez-le, pour l'amour de moi, à autre chose qu'un serment. Croyez-vous en votre âme que le comte Claudio est calomnié Héro? Oui, aussi vrai que j'ai une âme et une pensée. Il suffit. Je suis engagé. Je vais le provoquer. Je baise votre main et je vous quitte. Par ce bras, Claudio me rendra un compte cher. Attendez de mes nouvelles pour me juger. Allez consoler votre cousine. Il faut que je dise qu'elle est morte. Et maintenant, adieu.